Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler du défi Pierre Lavoie qui a lieu toujours en début juin. Il y a un gars de Dolbeau-Mistassini qui a quand même, était à sa 10e participation au défi Pierre Lavoie et vous le connaissez tous, il travaille à la brasserie chez Noël, c'est Frédéric Paquette. Savoir un peu comment il a vécu ça, 10 ans, qu'est-ce qui l'a motivé au fil de ces 10 ans-là. On lui passe, les Fred. Oui, salut bien. Fred. Oui, ben, 10 ans, c'est sûr. Oui. 10 ans que tu fais le défi Pierre Lavoie. Qu'est-ce qui te motive à faire en 10 ans avoir fait le défi Pierre Lavoie? Ben, c'est sûr qu'il y a la cause, premièrement, puis l'amour du vélo. Okay. Les deux ensemble, c'est ça qui fait que 10 ans de grand défi Pierre Lavoie, là, ça se fait bien, puis c'est ça. OK. Dis-moi, ça a commencé comment, ça? Je veux dire, toi, est-ce qu'au fil des 10 ans, tu as vu des grands changements? J'ai vu des grands changements. Auprès du défi? Ben, peut-être, ou le premier changement, peut-être que maintenant, on a une journée de plus pour faire nos 1000 km. OK. Ça, oui, c'est le premier changement, si on veut, du côté défi. Ensuite de ça, sinon, là... Pour le reste, là, ça se ressemble pas mal, là, je dirais, depuis 10 ans. Là, c'est toujours 1000 km. On a 11 000 $ à aller chercher pour les maladies orphelines. Oui. L'excédent du 11 000 $ va toujours à une école comparaine ici dans le coin. Oui. Soit dit en passant, notre équipe, depuis 8 ans environ, a été chercher environ 60 000 $ pour les écoles du coin. C'est quand même bon. C'est de la belle argent qui revient dans le coin, oui. OK. Dis-moi, les 11 000 $ est-ce que année après année, est-ce que ça devient difficile à aller chercher ou ça se fait quand même assez bien, là? Bon, c'est sûr que là, 10 ans, là, c'était plus facile un peu d'aller chercher des sous. Les gens sont plus sollicités, les temps sont plus durs un peu. Mais je vous dirais que les gens sont très généreux et je voudrais en profiter pour justement remercier tous nos donateurs qui donnent année après année les compagnies, les gens de notre famille, c'est vraiment apprécié d'année après année. OK. Est-ce que tu as l'intention de faire ça encore des années? Est-ce que... Ben, je te dirais que c'est encore en réflexion pour l'année prochaine. On m'était dit qu'à partir de 10 ans, là, j'allais y aller une à la fois. Puis là, pour l'année prochaine, on ne sait pas encore. On doit s'en regrouper aussi notre équipe pour voir qu'est-ce qu'on fait. OK. Donc, la décision va se rendre. Je dirais peut-être plus après l'été à l'automne. Est-ce que ça devient plus difficile aussi se motiver? Ça devient-tu plus difficile se mettre en forme? C'est sûr qu'on vieillit tout, ou encore toi, t'as aucun problème avec ça? Non, pour se mettre en forme, non. Je dirais se motiver, ben, là, pour la cause, là. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Puis justement, quand on aime faire du vélo autant, toute notre équipe, je dirais, là, qu'année après année, déjà, là, non, ça se passe très bien, mais on a toujours hâte de retomber sur la ligne de départ pour ce défi-là. OK. Ça a été quand même, au départ, tu étais avec Stéphane Leroyer, je me rappelle bien, tu étais quand même quelques-uns, puis là, maintenant, ça a changé, là. Hein. Tu es rendu avec Luc Fortin, entre autres, c'est ça? Oui, avec Luc Fortin, avec Sébastien Godette, avec Sophie Chiasson et Sylvain Ouellet. OK. On a toujours une belle équipe. Oui, au début, c'était Stéphane Leroyer et Jean Saint. Michel Robert aussi. OK. Oui. OK. Dis-moi ton meilleur souvenir des 10 ans. Meilleur souvenir, je dirais qu'il y en a plusieurs, mais c'est de côtoyer tous ces gens-là qui sont là pour la même cause, puis qui s'entraînent. Quand on arrive dans le peloton, là c'est de voir comment tout le monde est égal. Là. T'as beau être... Oui, il y a des personnalités, il y a des médecins, il y a des joueurs de hockey, et tout le monde est égal dans le peloton. C'est ça là, qu'on peut retenir. Hein. Tous les gens sont là pour la même cause. OK. Ben, Fred, c'était vraiment 10 ans, c'est quand même pas rien d'avoir fait le défi Pierre Lavoie, d'avoir ramassé des sous. C'est pas juste faire le défi Pierre Lavoie, c'est se mettre en forme, c'est également arriver puis trouver des sous. C'est toute une organisation. Bravo, chapeau, puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, puis encore un gros merci à tous ceux qui nous encouragent année après année. C'est ça un peu qu'on est plus fiers, c'est de remettre des gens. De l'argent plutôt, toujours un 5 à 8 000 $ année après année à les écoles du coin, là, c'est vraiment une fierté pour nous autres. Ben, bravo. Donc voilà, c'était Frédéric Paquette qui a participé à 10 défis Pierre Lavoie.